ritman ka wè wè dan rev mwen. Mwen ka senti ou kouche bò mwen. Kon mwen niyaj ka flopè mwen. Adan rev mwen. Ou ka souri ban mwen lè mwen dekouajè. C'est que les chagrins qu'a fond ciel tête moi. Mais là j'arrive, faudrait moi partir. Pas désespéré, pas découragé. Si vous plairez ou ça, j'ai moi peut même racher. Ça des fois plus raide, garde bateau. Qui que mène moi, l'autre côté l'homme. En te que vous le dit ou des petits mots. Tout reste, quand j'en ai scellé, moi peut pas parler. Et ça qui plie, le soleil pas qu'à clairer, même un savou là.